Sad heart, enjoy your fitful sleep. Escape to realms beyond the night. Dream, can't you show me light? au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Black hole of service, airflow. infinity, the star that would not die. cast into Olympus, as was told, tales of old, to the city of the mortals, marble white and pure as gold. He Et bienvenue à Méloman sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce 15 janvier 2020. En cette édition spéciale de Méloman, vous l'aurez remarqué de par l'introduction assez différente, merci, qu'à l'habitude. En fait, l'émission a commencé il y a presque une heure de ça. En effet, vous l'aurez probablement deviné, pour certains, on a perdu un gros morceau cette semaine, un des batteurs les plus influents, les plus importants de sa génération, si c'est pas de l'histoire du rock tout court. J'ai nommé Neil Elwood Peart, mieux connu comme batteur pour la formation de légende qu'est le groupe canadien Rush. Monsieur Peart, qui était aussi, on l'oublie souvent, le parolier principal du groupe et qui est donc derrière tous les concepts complexes du groupe avec des thèmes parfois inspirés de philosophie ou de science-fiction, comme c'est souvent le cas avec des formations de la scène progressive à laquelle Rush vont être associés à leur début surtout. Et justement, vous aurez pas de misère à croire si je vous dis que si on se fie à la longueur des pièces qui ont amorcé notre émission ce soir, j'avoue que j'y ai pas été de main morte, j'ai pas été dans la dentelle, j'ai décidé d'opter pour faire plaisir aux fans ce soir. D'ailleurs, un petit shout-out, un petit bonjour à Benoît, François, Sylvain, Isabelle et Louise Coulombe, qui sont des très grands fans, qui sont réunis ce soir pour écouter l'émission. On en a sûrement perdu une coupe, on se le cachera pas ce soir, mais on a gagné plein de fans. Vraiment, vous êtes plusieurs à m'écrire. C'est le fun de pas être tout seul pour célébrer ça. On va entendre quelques hits, évidemment, ce soir, mais je me suis dit que tant qu'à y aller pour un hommage au monsieur en question, aussi bien plonger tête la première dans l'œuvre. Et c'est ce qu'on a fait. Écoutez, un bloc qui a commencé par nul autre que la suite de 2112 au complet. Rien de trop beau pour la classe ouvrière. Première phase de l'album qui a attiré le respect des critiques pour pas mal la première fois au groupe en 1976. Suite qui faisait un côté de vinyle au complet et qui nous fait le récit d'une histoire se produisant en 2062 après une guerre intergalactique qui finit par engendrer l'union de toutes les planètes sous la Fédération solaire de l'Étoile Rouge, ce qui va amener à un monde contrôlé par les prêtres du temple de Syrinx qui vont décider de ce que tout le monde a le droit de consommer comme contenu artistique, musique, littérature et autres. Plus tard, un homme va découvrir une guitare abandonnée qui produit une musique très différente de celle que les prêtres permettent, eux qui vont finir par détruire l'instrument. Bref, pas besoin de vous dire que tout ça est en fait une habile allégorie de notre ami Neil Peart, qui s'est souvent inspiré de l'écrivaine et philosophe Ayn Rand pour ses concepts. D'ailleurs, ici, ça serait son livre « And Them » qui l'aurait particulièrement inspiré pour la longue suite de 2112. « And Them » qui va aussi donner son titre à une chanson phare de l'album « Fly By Night » en 1975 et qui va donner son nom à l'étiquette de disque de Rush, rien de moins. Mais on n'a pas juste entendu ça dans le premier bloc qui se voulait une gâterie pure et simple pour les gros fans de Rush, parce qu'imaginez-vous que vous avez peut-être assisté à une première mondiale à la radio, fort probablement une des rares fois où on a pu entendre deux suites normalement réparties sur deux albums qui ont été ici réunis pour notre grand plaisir, soit les fameuses suites Cygnus X1 Book 1 The Voyage de l'album A Farewell to Kings en 1977, suivi de Cygnus X1 Book 2 Hemispheres de 1978, album Hemispheres justement. Cygnus qui, encore une fois, nous raconte une longue épopée de science-fiction où un homme vole dans un trou noir avec son vaisseau spatial et on va se transporter un peu plus tard en Grèce antique avec une bataille entre Dionysos qui représente le cœur et Apollon qui représente la raison. Et l'homme qui va stopper leur guerre va se faire appeler Cygnus, dieu de l'équilibre. Encore une fois, il va sans dire que, je résume évidemment, mais c'était pour vous mettre au parfum un peu parce qu'on connaît Neil Peart, le musicien, le virtuose évidemment, mais parfois un peu moins le parolier, voire l'auteur, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de mettre l'accent sur toutes les prouesses musicales qu'on a entendues dans les dites suites, chacun des membres de Rush étant des virtuoses sur leurs instruments respectifs. Mais c'est quand même important de dire que Rush a pas été juste à l'origine de longues suites prog non plus, là, des longues suites exhaustives. Au contraire, si ça se trouve, il y en a plusieurs pour dire que c'est un des rares groupes de prog à avoir passé le cap des années 80 sans trop perdre de plumes. Une décennie où le groupe va connaître son plus grand succès en carrière et en adoptant un format un peu plus radio, parce qu'ils vont comprendre le spirit of radio au 99.1 et 88.9 CFNJ. We'll be right back. myself intact. matière, c'est nuageux. Quelques averses de neige au courant de la nuit. 2 cm d'accumulation. Minimum de moins 10 à moins 7 degrés. Jeudi, de la neige qui va cesser tôt en après-midi. 2 à 4 cm d'accumulation sont prévus. Maximum de moins 8 à moins 4. Et vendredi, ce sera une journée ensoleillée, mais froide. Maximum de moins 16 à moins 12 degrés. CFNJ 99 Et toujours en plein Mélomane ce soir, édition spéciale, hommage à Neil Peart, légende qu'on a malheureusement perdu plus tôt cette semaine. Et comme je vous disais tantôt, on a exploré les entrailles profondes des origines progressives de Rush. Mais là, dans le dernier bloc, on a été complètement l'opposé, même si jamais la musicalité du groupe a été compromise pour autant. Comme on disait, ça n'a pas été le cas pour tous les groupes des années 70 qui ont fait la transition aux années 80. Loin de là, ça a d'ailleurs été presque un désastre pour plusieurs. Mais pour Rush, qui ont très bien su adapter leur matériel pour atteindre une audience considérablement plus vaste dans la nouvelle décennie. Et d'ailleurs, on a entendu dans le dernier bloc des chansons qui ont été des gros hits, ou du moins des grands classiques, c'est selon. Ça s'est terminé en 1984 avec extrait de l'excellent album Grace Under Pressure, Red Sector A, une des rares chansons où Geddy Lee joue pas de basse, d'ailleurs, et dont le thème a été inspiré par la mère de Geddy Lee qui avait été dans les camps de concentration durant l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale. Une chanson qui parle de l'état d'esprit qu'ont dû avoir les gens qui sont passés au travers et qui ont survécu, d'où la fameuse ligne « All that we can do is just survive ». Donc quand même une chanson assez lourde en émotion qui suivait ici en 1982 de l'album « Signals », fameux album avec le Dalmatien qui sent une bonne fontaine. Premier album où le synthétiseur devient vraiment omniprésent. C'est normal, on est en 82. On a entendu la Subdivisions avec des variations en 7-8 et en 3-4 pour les musiciens. Tout le titre de la chanson d'ailleurs. Qui suivait Limelight, un méga hit de l'album de Rush qui va le plus vendre de leur carrière. Moving Pictures de 1981. Album légendaire enregistré par André Perry au studio tout aussi légendaire qu'on va appeler le studio de Moray Heights, qu'on va d'ailleurs laisser tristement dans une décrépitude des plus totales. On peut très bien le voir dans le clip de Tom Sawyer si jamais ça vous tente d'aller voir ça. Et notre bloc qui a été amorcé par The Spirit of the Radio qui débutait l'album Permanent Waves, album où le groupe trouve vraiment son nouveau son années 80 en 1980 pile, aussi enregistré à Moray Heights. Les petits vite auront compris qu'on y a été chronologiquement 80, 81, 82, 84. Et nous, ben, on poursuit à notre hommage à Neil Peart ce soir sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ. We'll be right back. Jackson on the drum kit. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Sensitize. Et toujours à Meloman, hommage à Monsieur Neil Peart ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9. Et Neil Peart qui est sans surprise, même s'il a consacré la majeure partie de sa vie musicale à son groupe principal, a quand même joué autre chose dans sa vie de musicien. Et comme plusieurs grands musiciens, on aime souvent s'adonner au jazz. Et c'est ce qu'on a pu entendre en fin de bloc, Neil Peart avec nul autre que le Big Band de Buddy Rich, qui est une espèce de spectre qui plane sur à peu près tous les batteurs qui se respectent, qui ont jamais vécu en fait. Notre ami Neil y a pas échappé. Et avait eu l'honneur, en tant que drummer, pas piqué des verres lui-même, d'être invité sur une compilation hommage à Buddy Rich en 1994. Une compilation qui va s'appeler Burning for Buddy. Ils vont renouveler l'expérience en 97 avec un volume 2, avec One O'Clock Jump de Count Basie. Mais là, c'est de la première compile qu'on a entendu Cottontail, une pièce de Duke Ellington. Bref, vous irez voir ça, Burning for Buddy, à des compilations où se côtoient des légendes de la batterie comme Neil Peart, évidemment, mais aussi des grosses pointures comme Steve Gadd, Steve Smith, Dave Wickel, Bill Bruford. Bref, un festin pour l'amateur de drum. Et sinon, juste avant ça, une autre longue suite classique de Rush, instrumentale cette fois-ci, et aux influences jazz, rock, flamenco, la très extravagante La Villa Strangiato de 1978. Et si vous trouviez que c'était un exercice un peu pompeux, ben Rush s'en excuse nullement, parce que le sous-titre de la pièce était An Exercise in Self-Indulgence, une pièce qui leur a pris plus de temps enregistré que l'entièreté de l'album Fly By Night. Ça vous donne une idée. Chose qui suivait Animate, la plus récente jusqu'à maintenant de l'album Counterparts de 1993, qui elle-même suivait non pas un, mais deux solos de batterie légendaires qui ont grandement contribué à la réputation que Neil Peart s'est faite au fil des années, soit celui qui suivait le medley de Working Man et Finding My Way sur All the World's a Stage, premier album live pour Rush en 76, enregistré lors de la tournée de 2112. All the World's a Stage, qui est une citation de Shakespeare, et le tout amorcé bien sûr par YYZ, autre pièce instrumentale très connue pour le groupe, version Exit Stage Left, fameux album live de la tournée de Moving Pictures. Moving Pictures qui, on l'a dit tantôt, a été de loin le plus grand succès commercial de Rush, et tout ça a été porté par un fameux personnage inventé par Mark Twain. Et quelle était cette chanson? C'est ce qu'on va savoir à l'instant au 99.1 et 88.9 CFNJ. A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. We'll be right back. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Shut up! suis toujours en plein spécial hommage à Neil Peart ce soir, méloman sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9, avec un peu à l'instar de ce qu'on disait tantôt à Monsieur Peart, qui s'est quand même permis de bifurquer à l'occasion du chemin droit qu'a été Rush tout au long de sa vie, tragiquement écourtée tout récemment, pour s'adonner au jazz à l'occasion. Et on vient d'en avoir toute une preuve avec un enregistrement de 1985 tiré d'un album du bassiste Jeff Berlin, un grand disciple de Jaco Pastorius, avec une pièce originalement composée par la légende du sax alto Julian Cannonball Adderley, qu'on a déjà écouté à l'émission, une pièce du nom de Marabee, qu'on va reprendre un peu à la sauce fusion pour les besoins de la cause ici, sans trop la pervertir pour autant, chose qui suivait, on ne fait pas passer à côté. Première longue suite pour Neil Peart à son arrivée dans le groupe Rush, parce qu'il faut pas l'oublier, le premier batteur de Rush, c'était John Rotsey et non pas Neil Peart. Mais quand même, Neil Peart va faire une audition. Il va grandement impressionner Geddy Lee et Alex Lifeson. Il va leur rappeler le grand Keith Moon du groupe The Who. Ils vont le prendre rapidement et Neil va être là dès le deuxième album, soit le fameux album avec le hibou du nom de Fly By Night en 1975. Et c'est là qu'il va devenir parolier pour le groupe et nous pondre sa première longue épopée du nom de By Thor and the Snow Dog. C'est pour ça que c'était un must ce soir. Et tout ça amorcé par facilement le plus gros hit en carrière pour Rush, le fameux personnage de Mark Twain dont je vous parlais tantôt du nom de Tom Sawyer, pièce de 1981. Et pour moi, ben, c'est déjà l'heure de vous souhaiter une belle semaine et de vous donner rendez-vous mercredi prochain 20h pour un autre mélomane. Mais j'espère que vous avez vraiment apprécié ma rétrospective bien humble de la vie de Neil Peart ce soir. Mais savez-vous quoi? J'ai encore une petite gâterie pour les fans. Tant qu'à y aller en supplémentaire, on tombe dans le assez pointu, je vous avertis, pour les fans. Mais Rush, au fil des années, a fait une suite, une tétralogie répartie sur plusieurs albums qu'on va appeler la Fear Series, la série Fear, toujours basée sur la peur de plusieurs perspectives. Et j'ai décidé de vous la faire jouer en ordre pour l'occasion. Donc, je vous passe ça en vous souhaitant une bonne nuit au 99.1 et 88.9 CFNJ. Yeah. of all the units in this mad machinery. Not the broken contacts.